Chapitre 5e. Le voyage de l'espérance commença bien. Cornelius Van Elven ne doutait pas du succès. Il éprouva la sensation de l'amoureux qui aperçoit enfin près de lui la femme aimée lorsqu'il se trouva dans cette mer polaire qui engloutit parfois plus de 30 vaisseaux dans un seul été. Ce paysage terrible et beau, cette mer d'un vert tendre comme une émeraude opalisée, et au-dessus de la nappe verte, le bleu pâli du ciel, ces courants de glace qu'emportent en les brisant le flot qui roule ses masses glacées, les icebergs immenses, redoutables, détachés de la rive gelée comme les blocs gigantesques d'une avalanche, ces colossales masses contournées ou déchiquetées, tantôt lourdes comme des constructions cyclopéennes, tantôt découpées comme des clochetons gothiques, ces îles flottantes et menaçantes qui d'un choc eussent broyé l'espérance, tenaient Cornelius fasciné, debout sur le pont et plongeant son regard au-delà de ces immenses montagnes qui, avec leurs stalactites et leurs stalagmites géantes, étincelaient, irisées comme du cristal. Par-delà ces glaciers, se disait-il, est la mer libre, la mer sans rivage, que le flot du Gulf Stream échauffe éternellement. Allons, courage, Cornelius, tu vas toucher du doigt ton rêve. Un vieux baleinier pris à bord du navire hochait la tête cependant lorsqu'il entendait Cornelius parler ainsi, tout haut comme un illuminé. Il y avait tant d'obstacles encore à franchir, les ice fields à éviter, ces immenses plaines de glace, de 10 lieues de large parfois, et qui, charriées par la mer, font voler en poussière le navire qu'elle heurte, et les packs ou trains de glace d'eau douce et d'eau salée, effroyables comme la débâcle d'un univers gelé, et qui passent, emportés comme un monde tout entier, crevassé, hérissé, informe, sinistre, oscillant, avec des ours farouches au sommet de leurs crêtes blanches. Qu'il était loin, Cornelius Van Elven, des arroyes de Java, où le soleil dardait ses rayons implacables, et où les Hollandais blonds, aux riches uniformes, et les brunes créoles aux écharpes écarlates, cherchaient voluptueusement l'ombre douce sous les panaches des cocotiers et les arbres aux fleurs flamboyantes. Il songeait parfois à son calme foyer de Rotterdam, à sa compagne aimée, à ses livres d'habitude, à ce coin de feu où il avait passé tant de chères soirées, tisonnant, rêvant, entrevoyant des mondes inconnus dans ces bûches de bois qui brûlaient. Comme il voulait embrasser Margaret, mais il chassait bien vite ses pensées troublantes. Il avait besoin de tout son courage. Plus tard, il songerait à elle, lorsqu'il reviendrait au pays avec une gloire nouvelle et un nom immortel. Pourvu que Carlos Flint n'arrivât point le premier à la mer de glace. Carlos devait être lui aussi dans ces parages de la mer de Melville. Un jour, un mirage étrange fit apercevoir au fond du ciel, à l'équipage de l'Espérance, l'image renversée d'un navire qui, les mains en bas, paraissait errer d'une façon fantastique au fond de l'infini. Ce ne pouvait être l'Espérance qui se reflétait ainsi dans le ciel. Le navire fantôme était en effet d'une taille différente. Cornelius prit son télescope, demeura longtemps l'œil attaché sur ce navire, et poussa enfin un cri de colère. Au mât de ce bateau, apparu dans l'air, et ainsi aperçu par un phénomène de réflexion très simplement explicable par celui de ces icebergs, glaciers cristallins changés en miroir, le pavillon britannique flottait, le drapeau de la marine anglaise. « Misère de moi !» s'écria Van Elven. « C'est Jean Jurel de Saint-James. C'est Adrian Carlos qui est là. Et ce navire est peut-être, qui sait, de 10 lieues en avant sur nous. » Adrian, Adrian, misérable Adrian! Une agitation soudaine de l'air fit disparaître brusquement ce spectre de navire qui pouvait, qui devait marcher en effet à 8 ou 10 lieues de là, et Cornelius sentit croître contre Carlos Flink sa haine grondante. L'Espérance était d'ailleurs arrivée, après maintes luttes contre les banquises, aux limites extrêmes de la navigation. Il fallait hiberner, passer de longs mois sinistres sur la glace. Pendant combien de jours, pareil à ces nuits sombres, resterait-on là sans soleil? Cornelius Van Elven avait apporté de Hollande 2 pigeons courriers. Il en prit un, lui attacha au cou une lettre écrite à Margaret et le lâcha dans l'air déjà opaque après l'avoir pressé contre ses lèvres. « Tout va bien, » disait la lettre, « nous hivernons. Au printemps, nous reprendrons la route. À la fête de Noël, non de l'an prochain, mais de l'année qui suivra, je te raconterai, Margaret, les merveilles de la mer libre du pôle. Le temps est long, mais la patience est grande quand on croit et quand on aime. Je t'aime et j'aime mon pays. Vive la Hollande, Cornelius. » Il suivit des yeux le pigeon qui s'envolait sur le ciel gris et qui ne fut bientôt plus qu'un point imperceptible dans l'espace. Alors, par des froids effroyables, sous l'implacable ciel bas, sombre et brun comme du bronze, dans leur hutte de neige durcie, à l'allure de quelques cordes trempées dans la graisse fétide, les compagnons de Cornelius restèrent là, condamnés à la nuit sans fin, avant-courrière de la mort. Souvent le froid devenait mortel. La température descendait jusqu'à 60 degrés centigrades au-dessous de glace. La vapeur d'eau se gelait en l'air et retombait en flocons de neige. Un matelot ayant voulu boire, la peau de ses lèvres, arrachée, demeura collée à la tasse. La peau humaine, touchant directement un objet quelconque, était aussitôt brûlée comme par un fer rougi. Le scorbut emporta, pendant cette longue obscurité de 142 jours, le lieutenant Gaspard Hinks et 3 matelots, qu'on ensevelit dans la neige. Cornelius van Elven donna à ceux qui partaient le dernier adieu et dit aux autres « Du courage !» Sa fermeté ne se démentait pas, il restait calme, admirable et certain du succès. Pourtant, dans ses heures de sommeil, 2 images bien différentes le hantaient, celle de son bonheur lointain, celle de son rival, en route comme lui pour la mer libre. Le printemps vint, on se lança vers le nord avec des traîneaux. Couverts de fourrure, les pieds dans les raquettes, sur le visage un masque de fil de fer pour protéger leurs prunelles contre l'éclat sinistre de la neige qui brûle la vue comme un foyer incandescent, des traîneaux portant le biscuit, le thé, la farine et les instruments de physique, les compagnons de Cornelius s'avancèrent lentement à travers des aspérités farouches, sans plus rencontrer une créature humaine vivante, plus un esquimau, à travers ce désert de glace. À peine pouvait-on franchir 1 mille par jour. On ne rencontrait plus de banquise. Un seul ours fut aperçu, fuyant, étonné, et les coups de feu qui le saluèrent retentirent, mystérieusement répercutés par des échos étranges, comme le seul bruit qu'eût entendu cette farouche solitude depuis que le monde était monde. Cornelius, énergique, plein de foi, superbe, avançait toujours, répétant en montrant le nord. Là-bas est la mer libre. On n'était plus, disait-il, qu'à 200 milles du pôle. 200 milles, c'est-à-dire 200 jours de marche. 200. Pourquoi aller plus loin ? Demanda le chirurgien Justus van Dol. Pour aller au but, répondit Cornelius. Rebrousser chemin, ce serait lâche. Et tout bas, il se disait. Adrian irait jusqu'au bout, lui. Le scorbut continuait cependant à frapper. Les hommes avaient eu les bras gelés. Il avait fallu amputer le baleinier Peterson des 2 pieds. On transportait le pauvre diable sur les traîneaux. En chemin, Peterson souriait et priait. Quelques jours après, le malheureux mourut. « Notre nombre diminue, » fit stoïquement Cornelius, « mais notre but se rapproche. » Et l'on continua la route. Plus loin que le cap Columbia, sur la glace, l'équipage de l'Espérance trouva des débris de verre, un manche de couteau, des traces de passage de quelques hommes. Cornelius se sentit comme mordu au cœur. « Adrian, Adrian Carlos » s'écria-t-il, pendant que son imagination lui montrait le capitaine Flink, son rival, poussant un cri de triomphe et arrivant le premier à la mer libre. « En route !» dit-il aussitôt avec une résolution farouche. Un peu plus loin, ce ne furent plus des débris, ce fut un cadavre qu'on trouva, celui d'un officier de la marine anglaise, mort isolé, mort de faim peut-être, et mort la main droite sur son fusil chargé, la main gauche sur sa Bible ouverte, et qui lisait sans doute à l'heure de l'agonie. L'arme de mort pour défendre sa vie, le livre pour nourrir son âme. Plus de doute, songea Cornelius, le Saint James est de ce côté, Carlos Flink a deviné la bonne route. On creusa un trou dans la neige et l'on y déposa l'officier mort. Cornelius prit sa Bible et dit, après avoir lu sur la garde le nom de cet homme, « Celui de nous, qui reviendra au pays, rapportera ce livre à Lady Susanna France, dont le nom est écrit là. » Puis, résolument, à travers la glace, les compagnons de Van Elven, attirés là-bas par le rêve, continuèrent lentement leur chemin.